Anna. Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition du Journal Palais en français pour ce 14 mars 2019. En voici les grands titres. Des escrocs récidivistes ont été présentés à la presse ce matin, en même temps que deux autres personnes ayant récemment tué un motard dans la vallée de Tchogé en province Mourambia. On aura les précisions du porte-parole du ministère de la Sécurité publique dès le début de ce journal. Les trois membres du parti Congrès national pour la liberté d'Agathon Rwasa sont détenus au cachot de la police judiciaire de Gihanga. C'est dans la province Bubanza. Et cela depuis ce lundi. Officiellement, c'est pour tenue d'une réunion illégale. Et puis, le ministre de l'Agriculture donne un bilan de 141 000 tonnes de café produites sur 94 000 tonnes attendues au cours de la campagne café 2018-2019. Cette culture d'exploitation rapporte 60% des devises au pays. Et en province Muyinga, les femmes renoncent au recours aux féticheurs pour résoudre leurs problèmes de ménage. Vous entendrez les précisions de notre correspondant Dieudonné Nzeyimana. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir. La police nationale a présenté à la presse jeudi deux personnes accusées d'avoir enlevé et tué un motard dans la vallée de Tchogé en province de Mourambia. Le porte-parole du ministère burundais de la Sécurité publique a fait savoir qu'au domicile de l'un des auteurs de cette tuerie, d'autres des permis de conduire ainsi qu'une moto ont été saisis. Pierre Ngourikiye appelle les propriétaires de ces permis à approcher la police judiciaire des parquets. Suivez-le. En date du 12 mars, la police a appréhendé en commune de Bukeye, de la province de Mourambia, un criminel assassin, Manirambona Claude. Il est accusé d'avoir enlevé un motard qui s'appelle Nkurunziza Elvis le 8 mars dernier, ici à mairie de Bujumbura. Et puis, arrivé à la rivière Tchogé, entre les communes de Mbouye et Bukeye, c'est dans la province de Mourambia, il l'a assassiné avec une hache et avec son frère qui se trouvait déjà sur place. Après l'avoir assassiné, on a pris sa moto et on a cherché un mécanicien de confiance qui était déjà utilisé dans ce genre de crime pour pouvoir démonter la moto afin de vendre les pièces. Après le forfait, les enquêtes ont commencé et la police a retrouvé le cadavre de Nkurunziza Elvis dans cette vallée parce qu'ils avaient assassiné puis enterré au même endroit. Et la police a déterré le cadavre, a recherché les auteurs de cet acte ignoble et a appréhendé alors les deux. Mais il y a un troisième qui est toujours recherché par la police. Et chez ce criminel appréhendé, la police y a saisi deux permis de conduire, probablement d'autres motards assassinés, et une cartouche du fusil de type Kalachnikov et une tenue d'imperméable policier et une plaque falsifiée pour sa propre moto. Le permis de conduire saisi chez lui, c'est un permis d'un certain Daishimie Jean qui serait né à Gahaga en province de Mourambia et il habiterait Kinama, ici à mairie de Bujumbura dans le quartier d'Ongozi, 2e avenue numéro 64. Les personnes qui connaîtraient cet individu sont priées de s'adresser à cette police qui mène les enquêtes et pour faciliter le déroulement de ces enquêtes. On a saisi également le faux permis de conduire qu'il utilisait. C'est un permis d'un certain Izigimana Chanel qui est né en 1995 à Gweteto, à Bukeye. Le message après ce cas malheureux, c'est d'inviter encore une fois toutes les personnes qui accusent un manque de l'heure à pouvoir s'adresser immédiatement à la police. Pierre Ngourikiye a en outre présenté deux hommes accusés d'escroquerie. Elle appelle les Burundais à ne pas tomber dans le piège de ce groupe. Il regrette que ce groupe soit arrêté et relâché après quelques temps. On l'écoute encore. En date du 8 mars dernier, ici à mairie de Bujumbura, à Kinindo, la police a appréhendé un escroc, un certain Dikulio Salvatore, alias Igor, qui est à la tête d'un grand groupe d'escrocs et qui escroque des gros montants d'argent, avec son complice Ninganza Onesfor, alias Mustaneri, qui avait déjà escroqué plus de 6 000 $. Tandis que le premier a été appréhendé au moment où il était déjà avec la victime et allait lui rançonner une somme de plus de 19 000 $ américains. On a déjà lancé mille et une alertes à la population. Mais ce qui est regrettable, c'est que la population continue à être victime de tels cas d'escroquerie. Ils avaient été présentés ici même par le commissaire général de la police judiciaire. Et ils ont été quelques jours après relaxés. Et le 26 février, ils commettaient encore un autre forfait. Pierre Ngourikiye, c'est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique et ses propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Et trois membres du Parti Congrès National pour la Liberté d'Agathon Rwasa sont détenus au cachot de police judiciaire de Guianga dans la province de Bouvanza depuis ce lundi. Ils ont été attrapés au village 5 et arrêtés pour tenue d'une réunion illégale. Le représentant du CNL dans la province de Bouvanza décrit cette détention et précise que ces personnes n'en sont victimes que de leurs opinions politiques. De son côté, le gouverneur de cette province précise qu'il ne savait pas que ce parti existe dans sa province et que ces détenus tenaient une réunion illégale. Spes Caritas Cavagnana. Parmi ces trois personnes, membres du parti CNL, Congrès national pour la liberté, le parti de l'honorable Agathon Rwasa, il y a le représentant de ce parti au niveau communal à Guihanga, le directeur de l'école fondamentale du village 5, en commune Guihanga, ainsi qu'un autre membre d'Inodo Basile. Ils ont été attrapés au village 5 la semaine passée par des administratifs à la base en collaboration avec la police. Ils étaient accusés de tenir une réunion illégale, mais leur famille précise qu'ils partageaient un verre avec des amis dans un bistrot. Après 4 jours de détention au cachot de police judiciaire à Guihanga, Munzimana Edouard, Nsazimana Marc, alias Makwana, ainsi que Basile ont été relâchés, mais ils ont été arrêtés encore une fois ce lundi, ce qui a étonné pas mal de personnes, comme le signalent leurs voisins. Le représentant provincial de ce parti déplore les faits et précise que ces personnes ne sont victimes que de leurs opinions politiques. Alexis Manilakiza demande qu'ils soient libérés sans aucune condition. De son côté, le gouverneur de la province de Bouvanza explique qu'il ne savait pas que ce parti, Congrès national pour la liberté, exerce ses activités dans cette province. Terence Nobis Butoyi, gouverneur de Bouvanza, ajoute que ces trois personnes ont été arrêtées parce qu'elles tenaient une réunion illégale au village 5 la semaine passée. Spes Caritas Kabanyana, Bouvanza, Radio Isanganiro. Merci Space. Également dans l'actualité, la production du café a été de 140 000 tonnes sur 94 000 attendues pour cette campagne café de 2018-2019. C'était lors d'une conférence de presse sur le déroulement de cette campagne. Le ministre de l'Agriculture a déclaré que la culture du café contribue à l'entrée des devises à hauteur de 60%. Et parmi les défis relevés, Deogi Derurema a souligné les spéculations de certains commerçants qui stockent le café sous prétexte d'attendre l'augmentation du prix. On l'écoute. La campagne café 2018-2019 a connu des défis. Le premier défi est lié aux capacités d'accueil insuffisantes de certaines stations de dépulpage et lavage face à une grande production enregistrée lors de cette campagne. La solution prise pour faire face à ce problème a été la sensibilisation des producteurs d'acheminer leur café au centre de collecte pour permettre aux propriétaires des stations qui ont une grande capacité de venir s'y approvisionner. Le second défi est lié au financement de la campagne café. Suite aux faibles capacités financières, certaines sociétés ont connu un retard dans le paiement des producteurs de café. Comme solution, le gouvernement a avalisé ces sociétés auprès des banques commerciales et le paiement a pu avoir lieu au niveau des différentes stations de lavage dans tout le pays. Cependant, il reste encore une société qui n'a pas encore honoré ses engagements. Il y a eu l'entre-usinage au niveau des usines de parchage suite à la faible capacité d'accueil. Sur ce, des décisions de transférer certaines quantités de café vers les usines ayant les capacités requises ont été prises. Des mesures visant à bien préparer la prochaine campagne café ont été prises. Et les sociétés qui n'ont pas honoré leurs engagements par rapport au paiement des producteurs, campagne 2018-2019, au paiement de la taxe communale café et au rapatriement des devises ne seront pas éligibles pour la prochaine campagne 2019-2020. Le ministre Deogi Derurema en charge de l'agriculture. Je vous l'avais dit dans les titres, le recours aux féticheurs ne peut en aucun cas être une solution aux couples en problème de cohabitation. Ce constat est celui des femmes leaders en province Muyinga, où des femmes témoignent avoir renoncé à faire recours au devin. Le responsable du Centre de développement familial et communautaire à Muyinga en appelle plutôt au dialogue familial pour atténuer les violences basées sur le genre. Reportage, Dieudonné Zeyman. En l'absence de concorde au sein des ménages, des femmes cherchent remède auprès des sorciers. Elle dit être partie chez un devin lorsqu'elle avait des problèmes avec son mari. Le devin lui a signifié qu'il y a des mauvais esprits dans le ménage et lui a recommandé de préparer d'abord une cruche de bière de sorgho comme ablution. Le devin guérisseur n'a rien apporté à la famille comme solution. Cette femme a décidé de se convertir et de rompre au fétichisme. Trinité Mulegwa, c'est le chef de colline Kiyange en commune Buinyuza. Elle affirme avoir connu deux cas de femmes congédiées attrapées avec des gris-gris. Cette administrative, comme la coordinatrice du Centre pour le développement familial et communautaire CDFC à Muyinga, conseille de ne plus croire aux croyances superstitieuses. Kakobga et Génie. Par endroits, des biens des ménages sont dilapidés auprès des féticheurs. Des femmes ou des hommes attrapent des maladies contagieuses chez ces féticheurs. Allez sensibiliser toutes les femmes qu'elles abandonnent cette mauvaise habitude de faire recours aux féticheurs. C'est au moment où des femmes leaders de la province Muyinga, sur initiative du collectif et des associations engagées dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur SPPDF sont rencontrés mardi pour échanger sur les stratégies de lutte contre de telles violences. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Ce 14 mars, c'est la journée mondiale des reins. Eh bien, plus d'un million de personnes des pays à revenus faibles meurent chaque année suite à l'insuffisance rénale aiguë. Le néphrologue Nzeyimana Sylvain Pierre l'a dit ce jeudi lors de la campagne de dépistage des différents facteurs de risque de la maladie rénale chronique, dont le diabète et d'autres. Et certaines personnes qui étaient présentes disent être contentes de cette activité. Ornella Mouch. Dans cette campagne de dépistage, un bon nombre de gens ont répondu à cet appel. Certains d'entre eux disent qu'ils vont savoir comment faire face pour se prévenir contre les maladies rénales. Moi, je suis vraiment contente parce qu'on nous a dépisté des maladies dont on n'avait aucune idée. Alors, je vais suivre les conseils tels que donnés par les médecins. À part la tension qui avait monté, on m'a dit que ma santé est bonne. Je remercie vivement ceux qui ont organisé cette activité. Désormais, je vais savoir comment me comporter pour rester en bonne santé. Le néphrologue Nzeyimana Sylvain Pierre indique que la plupart des gens souffrant de maladies rénales n'ont pas accès aux soins médicaux. Il fait appel à tout un chacun d'apporter un coup de main pour prévenir contre les maladies rénales. La majorité des personnes souffrant de maladies rénales, c'est plus ou moins 850 millions de personnes à travers le monde, n'avaient pas accès équitable aux soins. Surtout les patients qui se trouvaient dans les pays en voie de développement. Et le thème de cette année est un plaidoyer pour qu'il y ait une sorte de couverture universelle pour la santé, pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins. Mais disons qu'il y a des personnes à risque. Ce sont les personnes hypertendues, qui ont une hypertension artérielle, qui ont un diabète sucré, les personnes qui sont en surpoids, les personnes vivant avec le VIH, la majorité des personnes susceptibles de développer une maladie rénale chronique. En ce qui concerne la maladie rénale aiguë, dans plus de 80% des cas d'insuffisance rénale aiguë, c'est le paludisme, et d'autres maladies, surtout les maladies entraînant une déshydratation. Selon toujours son néphrologue, les maladies rénales chroniques sont la sixième cause de décès en croissance plus rapide dans le monde. Ornella Mucho et plus de 2000 jeunes de cette province du pays ont bénéficié d'une assistance dans trois volets. L'aspect économique, cohésion sociale et initiation des plateformes de plaidoyer dans le projet Jeunesse pour la consolidation de la paix au Burundi, initié par l'ONG Counterpart, appuyé par USAID, et cela pour réduire la participation des jeunes dans la violence. Joël Nivigira, directeur adjoint de Counterpart, se félicite du pas déjà franchi par ces jeunes. Et c'était lors dans l'atelier de présentation des résultats. C'était ce jeudi. Mireille Naomi Nitegega pour les détails. Pour réduire la participation des jeunes dans la violence, l'ONG Counterpart s'est engagée dans l'encadrement des jeunes, surtout vivant dans les 7 provinces choisies, selon des critères bien précis. Entre autres, la province Bujumbura, pour sa proximité avec les hommes politiques qui peuvent les manipuler facilement. Cette ONG a utilisé la méthode de les offrir les opportunités socio-économiques à long terme. Pour l'aspect économique, nous avions une assiette de 110 millions pour un fonds de crédit pour ces jeunes. Alors, des jeunes ont contracté des crédits et ils ont financé leurs activités génératrices de revenus. L'autre orientation, c'était de leur donner un capital, mais en contrepartie, ils devaient s'engager dans les activités à haute intensité de main d'œuvre. Ce sont des activités communément appelées cash flow. L'autre angle économique, c'était de passer par les formations professionnelles. Au moment où je vous parle, les jeunes sont en train de travailler. Hakidimana Frediane, bénéficiaire du projet Jeunesse pour la consolidation de la paix au Burundi 2, est devenue enceinte d'une grossesse non désirée lorsqu'elle était en 9e. Et cela a fait qu'elle abandonne les études. Avant ce projet, elle était sans emploi et aigrie contre celui qui l'a engrossée. Grâce aux formations et les fonds qu'elle a eu via ce projet, aujourd'hui, elle est stable financièrement. J'ai commencé par l'élevage, ensuite le commerce, ce qui m'a permis d'acheter une parcelle. J'ai ouvert par la suite un cafétéria après avoir contracté un crédit à la COPEC. J'ai dû vendre les chèvres pour passer à l'élevage d'une vache. Après avoir suivi des enseignements de réconciliation, j'ai pardonné le garçon qui m'a engrossé. J'enseigne d'autres jeunes dans le voisinage. Même le représentant de la ministre de la Jeunesse, de Postes et Télécommunications a salué cette initiative car elle cadre avec les objectifs du gouvernement. Merci Mireille Naomi. Et pour boucler ce journal, le manque de terres cultivables et le chômage des diplômés, voilà certains des défis auxquels font face les femmes d'ethnie batois. C'est le représentant légal de l'organisation Unisonon pour la promotion des batois Uniproba qui l'a déclaré lors d'un atelier d'échange sur la contribution de la femme mutois dans le développement familial, en particulier du pays en général. Emmanuel Nengo demande au gouvernement de considérer aussi la communauté des batois dans son programme de développement dite Vision 2025. Jean-Marie Vianenge Nakumana. Dans son mini-atelier organisé par Uniproba, certaines femmes batois ont soulevé les défis auxquels elles font face dans la vie quotidienne. Mariam Iranishuye, étudiante, fait savoir qu'elle est discriminée souvent par ses condisciples. Nous avons rencontré beaucoup de choses dans notre étude, comme être éliminée dans les autres. Nous appelons que nous sommes des batois, mais nous savons que les batois se sentent déjà comme les autres. C'est une ethnie comme les Hutus et les Tutsis. Si on t'appelait que tu es mutois à l'université, tu te sens comme tu n'es pas comme les autres. Cette dernière demande au gouvernement en général et aux bienfaiteurs en particulier de les appuyer dans leur crise académique afin de terminer les études. Il y a beaucoup de gens, bien des filles qui ont terminé des études secondaires, qui n'ont aucun moyen pour continuer ces études universitaires. Ils peuvent nous aider pour que toutes les filles et batois peuvent continuer ses études universitaires. L'honorable Emmanuel Nengo, représentant légal de l'Uniproba, tranquillise ses filles et batois. Quel est le problème et trouvera solution? Les femmes ont demandé un renforcement de leurs capacités pour ceux qui n'ont pas pu continuer leurs études et celles qui sont en cours de formation scolaire d'être scolarisées en grand nombre. Toutefois, il demande aux décideurs de réviser les textes juridiques qui véhiculent des règles discriminatoires. Des instruments légaux qui sont discriminatoires, que ça soit révisé pour que nous trouvions une intégration ou implication des batois dans les instances de prise de décision. Emmanuel Nengo a également remercié la Banque mondiale pour son appui envers la communauté batois, tout en demandant au gouvernement de se soucier de la communauté batois dans le programme de la Vision 2025. Jean-Marie Vianenge Ndakumana, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Une très bonne soirée.